On n'oublie rien de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien de rien. On s'habitue. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai rencontré le 23 décembre. Aujourd'hui, à CKRL. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est très mauvais de commencer une émission sur une frustration. Et ça, la frustration amène la frustration. Bon. D'où vient ce blocage? C'est pas compliqué, j'avais même pas terminé. Aujourd'hui, j'ai rencontré le 23 décembre. Aujourd'hui, en pleine nuit, jusqu'à 2 heures. C'est quand même pas si mal, là, madame, hey, non, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ah, vous écoutiez pas? Ouais, vous étiez en train de... Ouais, laver son plancher à cette heure-là, là. Il est jamais trop tard pour être propre, ben raison. C'est moi qui cochonne depuis le début. Moi, je force à la cochonnerie. Ah, mon, je cochonne. Je fais pas attention. Ah, non. Moi, je mange pas régulièrement devant une table. Non, moi, c'est pas sur une table que je mange. Moi, c'est sur un divan. Relax. Vraiment, là, je suis pas du genre là à me retrouver attablé devant 4, 5, 6, 7, 10 personnes. Oh non, moi je préfère me nourrir d'une manière assez singulière, pour ne pas dire hors norme, comme toujours. Hein, je suis cet être hors norme. Mais je préfère tout seul, manger tout seul. Ça me relaxe, moi, tout seul. Je me parle. Je me demande plus comment ça a été ta journée. Ah, mais ouais, regarde, ben là! Tu sais ce qui s'est passé cet après-midi, là? Je vais m'en souvenir jusqu'à demain après-midi. Hein. J'ai pas aimé ta réaction quand on a passé devant le miroir. Tu m'as regardé, je t'ai regardé avant, tu m'as regardé. J'aime pas ça quand tu me regardes de même, là. J'ai besoin de compassion, moi, là. Je suis un humain, même si on est tout seul ensemble, là, on discute, là, on dit non, on chicanera pas, on n'a pas. Non, jamais, on l'a fait il y a pas si longtemps, puis la police. C'est un peu gênant quand les constables sonnent à la porte, vous ouvrez, puis ils se rendent compte que t'es tout seul. Puis comment ça vous nous avez appelé? Ben, je suis en train de manger. Je t'ai installé, voilà, là, à me dire, là, sur mon sofa! J'écoutais même pas la TV, j'étais sur l'audio, moi. J'étais toujours sur l'audio, ça m'amène mon imaginaire, moi. Là, la télé, on dirait que ça m'abrutit. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se promènent dans les rues. Et puis là, j'étais devant mon repas, qui avait l'air quand même assez heureux de faire partie de ma vie pendant quelques minutes. Et puis, ben, qu'est-ce que tu fais? Comme je l'ai. Moi, c'est très rare, là, que vous allez me. Non, c'est très rare. Je suis pas du genre à acheter des mets préparés. J'aime faire ma nourriture parce qu'il y a un plaisir visuel, amoureux. Il y a aussi la senteur quand tu fais mijoter quelque chose, là. Pendant 3-4 heures dans ton appartement. Moi, j'ai un 18,5. pas chauffé, pas éclairé, puis je le chauffe jamais, je l'éclaire jamais. Je me trouve assez lumineux, je passe dans mes chambres, là, puis là, pff, juste par ma présence, la lumière apparaît. Quand je pars, la lumière me suit. C'est comme ça depuis le jour où je m'en suis rendu compte. Et là, la question que vous vous posez actuellement, à quel moment tu t'en es rendu compte? C'est une bonne question, monsieur. Vous devriez être journaliste, vous, là. Moi, j'ai une forte impression de savoir que le son est fort, là. OK, parfait. Moi, j'ai demandé avant à mes moi-même intérieurs, là, parce que je suis divisé en trois. Je suis un des rares, là. À l'intérieur de Reynald, on retrouve un ça. Ça, là, c'est quelque chose. Ça plane, tu sais, ça se met pas de barrière, c'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'endroit où on peut improviser. On est libre dans le ça, là. On a du plaisir. Ah, c'est on est parti qu'on passe dans le ça, là. Oh. Après ça, il y a le moi. Ça, le moi, c'est quand tu mets en relief, ou quand tu places en masse sur le même pied, le ça et le surmoi. Le surmoi, c'est quoi? C'est les policiers, c'est la loi, faut pas faire ça, c'est pas bien, on va me juger, pourquoi on me laisse pas... c'est tout le côté cérébral. Mais le cérébral, ça peut être le sol cérébral aussi. Mais le surmoi, c'est il y a des lois, il y a des exactement, madame, il y a un protocole. Et puis là, dépendant de ta vie, tu balances comme tu peux ou comme tu veux, ou les connaissances aussi, puis le fait où que tu sois arrivé à un endroit de te, par exemple, moi, je suis né à Québec. Jean-Marc, mon beau-frère, lui, il est né à Tombouctou. Non, c'était pas pour faire plaisir à son égo, c'est parce que sa mère était en voyage à Tombouctou pour rencontrer son mari, exactement, c'est sa belle-sœur. Vous la connaissez? Elle vous en a parlé, hein? Ça, elle devrait se taire un peu là-dessus parce que c'est gênant pour elle. Ça la valorise pas trop. Non. Surtout quand elle a cassé sa poignée de valise, puis que ça a ouvert en deux, là. Ben, beau être vendeur. Moi, j'ai aucune gêne. J'aime tout le monde. J'ai aucun préjugé. Ben, on a toujours des petits préjugés. On essaie de passer outre. Mais il y a des métiers qui sont un peu plus gênants que d'autres, là. Dresseur de puces et vendeur de... Approchez-vous. Cette personne-là, là, vendait des produits dédiés au plaisir singulier, solitaire. Il y a plusieurs termes. Disons, on peut appeler ça des jouets Hey, mon dos, ma peau d'un œuf, moi, là. Hey, c'est-tu parti, moi, là? J'aimerais l'avoir en or. Mais pas de blanc, mais pas de jaune. Je veux juste de l'or. Moi, tu m'en acheter, moi, des produits comme ça, moi. Hey, on peut s'avoir du plaisir dans la vie. Oui, monsieur, oui, madame, pas besoin de personne. Tout seul, ouais. Oh là là là là là, tu sais. Tu peux chanter des chansons à répondre, même si on n'est pas entouré. Quand t'as plusieurs, plusieurs voix internes, t'es pas tout seul. T'es jamais tout seul. Ce que tu veux, c'est la paix. Pas la paix sur la terre aux hommes qu'il aime, là. La paix. Laissez-moi, donnez-moi ou vendez-moi de la paix, mais comment ça coûte de la paix? Tu sais, le fait que tu m'appelles pas, le fait que j'ai pas de nouvelles de toi, le fait que je veux pas te voir la face, comment ça coûte, ça? Ça a un prix, tout a un prix, là. Donne-moi comme ça, lance-toi de même, lance-toi, comment, combien, mais comment, oui. tout en scène noire de 1972. Des scènes noires des États-Unis, ah, oh, mon Dieu, c'est en vue. Monsieur. Sinon, on peut s'arranger autrement? Oui. Ben, je pourrais te passer. Oui. Oui, je pourrais te passer mes toiles de Jean Dubuffet. Ah! Comment ça, tu fais une face de même? C'est reconnu mondialement, Jean Dubuffet, là. Tu connais pas l'or brut, toi. T'es une ignorante! Comme ben du monde! C'est ce qui m'interpelle le plus, moi, dans l'or, l'or brut. Pas besoin de formation, là, pour faire de la peinture. Il en faut pas, il en faudrait jamais. Moi, j'enlèverais ça des institutions, tu sais, les beaux-arts, mais en même temps, j'entends mon ami Godard dans ma tête qui me dit « Il faut avoir une base pour la dépasser. » Il a raison. Alors, faites les beaux-arts. Je me rétracte. Je me rétracte. Je suis comme je suis. On parle comme ça, puis là, en discutant, tu peux reprendre ton idée et la modifier. Tu sais, c'est comme de la pâte à modeler. Ça peut paraître beau comme ça rapidement, mais après quelques secondes, bon, c'est pas vraiment ce que tu voulais y donner. Alors, pardon. Ouais, mais ça, c'est, oui, c'est le tic du créateur. Il part, c'est des trans, hein, madame. Aimez-vous ça, les trans? Trans Jalbert, c'est une belle chanteuse, Trans Jalbert. On l'entend plus, hein, tant mieux. Et puis, non, c'est pas vrai, elle est bonne. Trans Jalbert, moi, là, garde, quand elle chante, là, sortez-moi de la porte. Tu connais pas ça? Sortez-moi de la porte, ils m'ont bien coincé, et sortez-moi de la porte. Ouais, je sais que ça ressemble, c'est le temps des vacances, mais elle s'est inspirée largement. Elle a le droit de s'inspirer largement. On l'aime comme ça, dans le large. L'esprit comme ça, là, elle peut te prendre un point-virgule, puis t'en faire un roman savon de 250 000 pages. C'est pas un livre de chevet, ça. Là. Non, ça, c'est un livre de tombeau. Il y en existe des livres de tombeau, tu sais, où les créateurs, eux autres, ils font des tomes. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6. Et puis, comme t'as pas le temps dans ton vivant de tout lire ces bouquins-là, tu places ça dans ta tombe. T'as le temps dans ta tombe, là. Là, tu vois, bon, il y en a des petites langues. Ah, mais oui, mais il fait noir dans un tombeau. Tu demandes la lumière, c'est facultatif, mais ils peuvent le faire si tu payes. Ils peuvent te donner n'importe quoi si tu payes. Crois-moi. Crois-moi pas. Quelque part dans un tombeau, dans un cimetière à Saint-Charles de Québec. Pas Rivière-Saint-Charles, mais comment t'appelles ça? Cimetière Saint-Charles. Il y a monsieur. Angbring Perrin. Oui, Angbring, parce que sa mère était exotique un peu, là. T'sais. Puis elle avait la surface faciale. Elle levait de la surface. Puis quand ça levait de la surface, l'air rentrait. Fait que ça y faisait un peu de... Puis elle avait bien de l'imaginaire turbulente. Elle était une turbulente, elle, là. Elle n'a pas choisi d'être de même. On choisit pas, on l'accepte, on vit avec, puis on essaie de se le placer dans son existence pour que ça devienne un moteur positif. Arrêtez de voir les affaires. Ah, ben, oh mon Dieu, elle est prise avec ça. Ah, c'est pas, elle est pas chanceuse. Ah, elle va souffrir toute sa vie. Ben non, comment ça, souffrir? La souffrance vient du fait que l'on n'accepte pas les choses. Tu me fais mal au cœur. Nous ne sommes pas pareils. Et puis pourtant, on s'émerveille au même printemps. À la même lune, aux mêmes coutumes, nous retournerons ensemble comme cendres au même soleil. Si le vent frappe à ma porte pour m'annoncer le réveillon, je partirai. On va y revenir, on lâchera pas le Dubuffet. Dubuffet. Jean Dubuffet. L'art brut. Ah, c'est beau de l'art brut. Dans tout, là. Pas juste dans la peinture, dans la sculpture, dans la façon dont les êtres s'accaparent l'art. Sans avoir toujours les standards ou la formation académique pour arriver à quelque chose. C'est de l'instinct. C'est quelque chose de sauvage, animal. C'est ça la beauté. Retrouver son sens primal. Quand tu dis, hey, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, du cri primal. Avez-vous déjà eu le luxe? Ça, là, c'est pas un cadeau. C'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est toi qui décides qu'un jour, qu'un soir ou qu'une nuit, tu vas lancer un cri primal. Et par la suite, je peux te dire que ça débouche bien des tuyaux. Ça fait signer et saigner des tympans. Signer parce qu'ils ne veulent plus t'avoir à leur domicile. Hein, le propriétaire va t'appeler. Monsieur Gagné? Oui. Vous étiez dans votre appartement hier? Oui. À 2h15 du matin? Oui. J'ai entendu dire. Mais là, eux autres n'entendent plus. Là. Ils saignent des oreilles. Les tympans ont pété. Vous avez laissé émaner de votre mouche. Oui, ma mouche, elle parle. Ah, votre mouche, elle parle. Elle parle, mais elle crie aussi, là. Vous avez plus que crié, là. Tu sais, c'est pas la chanson « Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne ». Elle sera jamais revenue, elle, là. Elle était prête à appeler le 911 puis dire « Attention, là, il y a un cinglé qui veut m'agresser, même si c'est bien que vous êtes un être tellement, tellement doux ». On vous appelle le mouton du village. La semaine dernière, on a parlé de l'idiot du village. Vous êtes le mouton du village. Oh, vous aimez ça, vous faire manger la laine sur le dos. C'est bon, hein, la laine. Puis en plus, vous, c'est le plaisir que les demoiselles vous arrachent la laine. Manger la laine sur le dos. J'aime ça, me faire manger la laine sur le dos. Mange. Mais rajoute pas de. Non, si tu rajoutes du vinaigre, là. ça risque de me brûler. M'a t'expliquer pourquoi, parce que toi, tu t'es jamais fait manger la laine sur le dos. Quand on vient pour t'agripper puis t'arracher cela, il y en a qui font pas attention et qui vont un peu trop loin et qui t'arrachent un peu de peau. Et quand tu mets du vinaigre, ça brûle, ah, ça brûle, ça brûle. Mettez pas de vinaigre. Du ketchup, bon, j'aime pas non plus parce qu'il y a du vinaigre. Mais ça brûle un peu moins dû au fait que ça a été dans un amalgame. Et c'est adouci. Puis la couleur, j'adore le rouge, on croirait du sang. Ça fait côté, mon côté gothique, là. Quand tu vas voir Marilyn me dire « Ça, ouais, c'est un ouais, dans ma voix, troisième signe, on est des maladies! » J'ai jamais vu Marilyn Manson saigner, moi, là. Oh, mais dans ma tête, il y en a-tu, ça gicle de partout, mais pas le sang, mais le rouge. Et comme disait Brel, pourquoi le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. C'est pas le Québec. C'est surtout pas le Québec. Parce qu'à Québec, il pleut, il neige, il grêle, il y a le vent, l'amour. Mais, ah ouais, l'amour. Il y en a beaucoup d'amour au Québec. À Québec. Mais c'est mêlant, hein? C'est-tu au Québec ou à Québec? Où te situes-tu? Pardon? Où te situes-tu? où je me situe? Oui. Je sais que ça fait bizarre à dire où te situes-tu, mais c'est ça. Où te situes-tu? Ben, je l'ai essayé, hein. Ça me va pas très bien. Le Québec? Non, le tutu. Le tutu a ras la gomme ballon, là. Moi, j'ai la gomme ballon qui colle, hein. Fait que essaye d'enlever le tutu après. Ah! Ça fait rire, mais c'est souffrant. Mais moi, j'ai pas le problème de poilus et l'énus, là, parce que j'ai enlevé ça une fois pour toutes dans ma vie. Plus un poil! Pourquoi? Ben, c'était un caillot qui était passé comme ça dans mon cerveau. Et puis, c'est resté. Plus de poils. Je veux plus de poils. Plus de poils. Moi, je veux plus de poils. Plus de poils. Quand je mange un steak, là, j'ai pas de poils, là, mon steak. Je n'ai jamais vu de poils là, sur mon steak. Pourquoi moi? Aurais-je un... Pourquoi moi? L'homme steak, il y a eu, dans les années 76... L'homme à tête de chou, mais moi, je suis l'homme steak. Non, sans poil. Il ne faut pas que j'aille de poil. Poil n'existe pas. Bon, pour les gens qui me connaissent, mais c'est le cabochon, comment t'appelles ça? C'est des cheveux. C'est pas du poil. Ben, c'est quelque chose qui n'a pas encore été déterminé par mon cervelet. Je n'ai pas encore réfléchi à savoir si ma tête comportait du poil ou des cheveux. Mais je veux faire une différence pour moi, là. Très, très flagrante entre, je le dis depuis tout à l'heure, depuis le poil. Moi, je parle de ça depuis le poil. Pile poil sur le gâteau. Avez-vous trouvé du pile poil sur le gâteau, madame? Retournez ça au magasin. Mais c'est pas au magasin, l'acheter. L'acheter où? L'ai pas acheté. Oh, vous l'avez volé? L'ai pas volé. Vous l'avez fait? Ah oui. Pourquoi c'est vous avez trouvé du poil? Ah, ben, c'est mon ami. Oh, comment il s'appelle? Je peux pas le nommer. Oh, et puis, c'est quoi le lien entre le poêle et puis votre ami? Ben, c'est lui qui m'a aidé à tourner parce que moi, écoutez, là, je souffre d'arthrite sulfulaire. Ça a l'air que ça fait mal. Mais c'est moi qui le vis, hein, fait que je le sais. Je veux pas dire que ça a l'air parce que c'est pas vrai puis que je veux pas travailler et puis la CCST m'a trouvé une belle raison pour rester à la maison à faire des gâteaux à des pleins de polissons ou des polissons. Les polissons sonnent souvent plus que les polissons. Les polissons sont gênés, c'est juste pour du gâteau. Pour une bière, ils vont sonner, il n'y a pas de problème, ils vont sonner pour la bonne angoisse si c'est de la bière. Mais si c'est du gâteau, pourquoi moi sonner, moi? C'est du gâteau, je préfère la bière, voilà, hein? Mais les femmes vont appeler pour les gâteaux, vont sonner pour les gâteaux. Pourquoi les femmes vont... Hein? Ding-dong, avez-vous du gâteau? Moi, j'ai su pourquoi très rapidement. Parce qu'elle met ça dans des plats. Puis, ce qu'elle veut, ce n'est pas le gâteau, mais le plat. Il faut être intelligent, tu sais. Il faut être au-dessus de la moyenne. C'est pas tout le monde qui réfléchit. Qui réfléchit. Enlève les S, moi. Enlève les S, tu vas glisser dessus. C'est comme une pelure de banane. J'ai jamais vu quelqu'un tomber sur une pelure de banane, moi. Je l'ai essayé. Moi qui mange jamais de banane. Je pense que j'ai dans ma vie, là, de terrien, j'ai mangé 3 bananes dans ma vie. J'ai jamais... Tu sais, la banane à split, là. Banane à split de Lio. Pas Lio Ferrer, mais Lio, la chanteuse. Les brunes ne comptent pas pour les prunettes. Ou les brunettes ne comptent pas pour les des pruneaux. Ah, d'accord. Que ce soit des pruneaux ou les prunettes, moi, la banane, ça me fait quelque chose à l'intestin. Je sais pas. Il y a comme une concomitance, un appel. Ils discutent beaucoup entre eux. Ça fait... J'ai pas de décodeur pour ça. Je comprends pas trop ce qu'ils disent. Mais j'ai comme un signal d'alarme. Hein? Trouve-toi un endroit pour que tu puisses te concentrer à déblayer tout ça de ton organisme. Hey, ça, c'est bien dit, là. Je demanderais aux infirmières et aux infirmiers, je prends le micro, excusez-moi, parce que je veux pas... J'ai comme la jambe morte et je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Et puis, donc, je voulais faire ça d'une manière très... Mais j'ai bloqué. Ça m'arrive souvent de bloquer, moi. C'est pour ça que j'aime plus ou moins les surprises. Puis là, j'ai comme trouvé le moyen, tu sais, le ressort, le pour réagir sans avoir l'air surpris. Et avant, j'étais tu sais, ça tombait à plus. Mais là, ça fait on m'apprend quelque chose là, puis je savais pas où, tu sais, il y a un invité mystère. C'est toi, tu montes le ton, puis là tu te laisses aller, tu sais, ça fait comme ça fait fou un peu. Mais là, tout le monde est fou, fait que ce soit toi ou les autres, puis ça va partir par l'individu qui va je t'ai pas vu depuis que j'ai gagné à la loterie. Hey, lui, il m'a cherché longtemps parce que j'avais gagné à la loterie. Oh! Moi, je me souvenais plus de lui. Hey, on avait vécu, 2 jours ensemble à la maternelle. Sa mère l'avait sorti de là. Parce qu'elle disait, elle, c'est une méchante cinglée, là. Hein. Son fils, là, c'était zénith, là. Hein. Elle apprenait pas grand... Le petit apprenait pas grand-chose à la maternelle. J'ai tout appris mes couleurs, moi, là! Il y a bleu! Il y a bleu foncé quand tu fermes les lumières. Il y a bleu. Il y a bleu. Il y a bleu. Il y a bleu. Il y en a du bleu dans la société. Hein? Ah, du bleu. Lâche-moi ton bleu. Joue-moi du bleu. Peux-tu m'envoyer du bleu? J'ai les bleus. Et puis, bleu, le monde est bleu. On en fait même des chansons. C'est une belle couleur. Pas pris grand-chose, mais au moins, j'ai un crayon dans mon atelier. Parce que j'ai un atelier. Monsieur un atelier, Monsieur est pas juste un homme de... C'est pas un garçon de radio. C'est pas bien, oui, c'est un garçon de radio, un garçon de musique. Mais un garçon d'art, l'art brut, pour revenir à Jean Dubuffet. Non, mais Jean Dubuffet là, a beaucoup changé depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Hey, lui, il est né, là, Jean Dubuffet, là. Il parlait pas, il mangeait pas tout seul, il était pas propre. Tu sais, dégoûtant. Il n'y a pas de monde comme ça sur Terre. Ça prend un Jean Dubuffet. Là, il arrive, il est flash, ça sort de... puis là, tu dis après, « Hey, on l'appelle Monsieur Jean Dubuffet. »

merci. Merci, mais j'ai pas invité personne, là. Je sais pas pourquoi ça applaudisse. Ça applaudisse? Monsieur, ça applaudit. Ouais, mais applaudisse. Vous connaissez pas applaudisse? Une déesse grecque applaudisse. Elle se disait, devant l'autre, là, comment qu'elle... Aphrodite. Aphrodite, elle a une vie assez tumultueuse. Très intéressante comme femme, là. Comme fille surtout, comme femme un peu moins pour une fille, oui. On ne dressera pas le portrait là, aujourd'hui d'Aphrodite, là, mais dans les semaines à venir, faites-vous-en pas. Là. Ah non, je m'en fais. Si tu pars là-dedans, ça risque de glisser. Ben oui, ben c'est ça. Faut glisser. Des bourrasques de vent partout dans ma tête. Je prends ça, moi, sur un petit carton ou un carton. Madame, préférez-vous carton ou cartron? Ah, mais moi, je connais le cartron du Luberon. Oh! Raoul Petit! Monsieur Picard! Oh, monsieur! Vous connaissez ça? Oui, je connais ça. Oh, depuis combien de temps? Bien, depuis que je les ai invités, puis ils m'ont dit, OK, on va te rencontrer. Oh, ils t'ont rencontré? Ils m'ont rencontré. Et puis? Ah, ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça? Ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça? Ah, ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça. Oh, ben, en tout cas, je les ai vus arriver, ben, Carton n'était pas tout seul. Il était avec Carton. Mais non, c'est pas Carton, tu vas te faire tuer. Carton et Carton, tu sais quoi? Non, je dis ça de même, pour rire. Là. C'est juste pour rire. Comme disait Jean Lapointe, rire aux larmes. Mais là, on ne rira pas aux larmes. Parce qu'on va vous raconter la véritable histoire de Jean Dubuffet. Il est né au Havre le 31 juillet 1901. Et 1901, ma grand-mère Joséphine Lavoie, elle, a vu le jour le 1er avril 1900. Alors, ça pourrait être mon grand-père, ce monsieur-là. Là. Je l'aime, moi, là. J'aimerais ça, là. On pourrait-tu placer ça dans mon arbre? Rallonger l'arbre. Rallonger l'arbre. Parce qu'un arbre, les racines. Montez-moi ces racines-là jusqu'à Jean Dubuffet. Rénal Gagné, Jean Dubuffet, s'il vous plaît. Il est né au Havre. 31 juillet 1900, ma grand-mère 1900, on est là. OK, excusez. Puis il est mort à Paris, c'est sûr. Hein? Quand tu fais un peu... Tu souffres, t'es malade. T'as un succès, t'as pas le choix. Tu montes à Paris, et sinon, mais tu restes incognito, t'as pas le choix. Oui, t'as le choix. T'as le choix de rester chez vous, puis de faire carrière, ou de partir dans l'autre monde et faire carrière. T'as le choix, c'est toi qui choisis. Ah ben oui, mais j'ai dit t'as pas le choix dans le sens que... Dans le sens que quoi? Dans le sens de quoi? Dans le sens que quoi? Non, j'ai dit dans le sens de quoi? Oui, j'ai dit que quoi, mais je me suis rattrapé. Ça m'arrive de bifurquer. Mais le mieux, c'est de se reprendre en main. Ouais, mais si t'as une main sale... Ben là, t'abandonnes Jean-Paul Sartre. Tu dis dehors Jean-Paul Sartre. Moi, les mains sales, là, c'est après une belle journée de travail. Je me lave pas ça souvent parce que je veux avoir des microbes. Ma force, moi, c'est mes anticorps. J'en ai des anticorps, mais même des corps que je connais pas. T'sais, ils sont pas anti, ils sonnent à la porte. Ding-dong! Oui! Mais ben, j'ai un nouvel anticorps. Ouais. Allez-vous pouvoir me prévenir de tout ce qui se passe dans sa planète? Mais ben, moi, j'ai un anticorps. Je connais pas, moi. Là. Moi, j'ai un anticorps. Juste un anticorps. Je suis pas un gros corps, juste un anti. Mais déjà, là, d'anti, il y a... Il y a le côté, hein? Anarchiste, anticorps! Ouais. Ça fait peur un peu, comme vous le dites. Vous avez les yeux globuleux. Bon, ouais, mais c'est sûr, je suis un anticorps. Avez-vous été? Moi, ai-je le droit de faire comme une rencontre entre vous, monsieur Anticorps et moi? Bon, est-ce qu'on peut parler? Ben, ouais, tu peux parler. Vas-y, pose-moi des questions de journaliste. Pas un journaliste, moi, j'ai jamais été un journaliste. J'ai assez de problèmes de même, là. Mais, admettons, Anticorps, là, je te parle. Est-ce que si je t'appelle Anticorps, tu comprends? Ah, je me comprends très bien, c'est moi! OK. À quel moment on devient un anticorps? Mais on est un anticorps. On devient pas, on est un anticorps. Comme tout le reste, on est comme ça. On devient pas, on est. Bon, ça, c'est un point de vue. Ah, parce que là, il y a de la chicane, là, hein? Ah oui, il y a de la chicane dans, au niveau judiciaire, au niveau juridique. Ah non, non, on peut devenir hein, l'influence des autres, et puis hein, notre entourage, et puis nos amis, on ne sait pas, hein, on était des petites brindilles heureuses, et là, hein, lorsqu'on rencontre des fiers à bras, on peut devenir un délinquant. Comment ça, vous me dites ça, un anticorps? Vous êtes né anticorps et puis vous n'avez pas voulu changer. Monsieur, madame, mademoiselle, c'est un anticorps, c'est masculin, féminin. Un anticorps, c'est masculin. Monsieur, l'anticorps est parti. Ça part-tu de même, ces anticorps-là? Donc, restons humains. Alors, Jean Dubuffet, ça serait bien de parler. On a-tu l'adresse de l'anticorps? Pas d'adresse, numéro de téléphone? Non? Il n'y a pas une zone temporaire de. On parle entre professionnels. Vous autres, vous ne savez pas, là. Il n'y a pas une zone temporaire dans le 1743? Appelle-le donc, 1750. Oui. Puis demande Ghislaine Poirier. Elle va le trouver, elle. Et elle trouve toutes les affaires. Elle a trouvé mon dentier de 1982. Et quand j'ai mis ça en bouche, là, je chantais comme Marilyn Monroe après son opération. Là. Ben ouais, elle s'est faite opérer. Ben, très, ben ouais, c'est très bien. C'est bénin. Mais c'était pas le docteur Bénin qui l'a. Non, elle pouvait pas. Ben, en fait, le docteur Bénin était amoureux de Marilyn. Fait que il s'est dit conscience professionnelle, mon amour. Aujourd'hui, Jean Dubuffet. Ben, c'est pas. Madame, faites-vous en pas, je ne l'ai pas rencontré. C'est pas lui qu'on va entendre, là. Non. Mais c'est mon grand ami. Un autre grand ami. J'ai plein de grands amis, moi. Jean Dubuffet. Il est né au Havre. C'est pour ça que ça mouillait tout le temps là-bas. Là. Hey, avez-vous déjà mis les pieds dans cet endroit? C'est très spécial. Très, très spécial. Oh mon Dieu. C'est brumeux. On se croirait un peu à Londres. À l'ombre aussi. Vous n'êtes pas allé à Londres, vous, madame? Vous êtes allé à l'ombre? Vous savez que l'ombre dans le milieu, c'est la prison? Qu'avez-vous fait comme délit? J'ai aimé. Vous avez aimé? Vous avez aimé qui? L'amour. Oh! Vous avez aimé l'amour? J'ai aimé l'amour. Oh. Et vous avez pris? J'ai pris perpète. Perpète. Perpète. Perpète. Perpète. Perpète. Ah, vous êtes faire perpète. Non, on vous regarde, vous êtes perpète, hein? Vous êtes vous, rouge à lèvres. Hein? Non, j'ai pris perpète. Ben oui, vous êtes fierpète. J'ai pas dit que j'étais fierpète. J'ai pris perpète. M'a crevé en prison! Tu comprends pas ça? M'a crevé en prison! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une longue histoire. Ça a commencé quand j'ai rencontré Jean Dubuffet. Non, c'est pas en 1901. Il est né en 1901. Et voyons donc, moi, en 1901, c'était pas grand-chose. Moi, je suis né en 1922. À Limoilou. Limoilou, Québec. C'est bizarre, hein? Très bizarre, très bizarre. On peut-tu revenir à Jean Dubuffet, madame, monsieur, mademoiselle, oui? Le Havre, 31 juillet 2001, à Paris, est mort le 12 mai 85. Bon. C'est un peintre, sculpteur, plasticien français, le premier théoricien d'un style d'art auquel il a donné le nom d'art brut. Des productions de marginaux ou de malades mentaux. Ça, j'aime moins ça, ce passage-là. Moi, je suis prêt à dire que c'est des gens qui n'ont pas de connaissances dans l'art, n'ont pas de formation en peinture ou en sculpture, mais qui en font quand même. Bon, alors, il est peintre, sculpteur, calligraphie. Il fait de la peinture, de la sculpture, de la calligraphie, dont il reconnaît s'être lui-même largement inspiré. C'est fou. C'est comme, comment il s'appelle, donc, Francis Bacon. Francis Bacon s'est inspiré de lui-même. Nous sommes le meilleur livre pour nous donner des ailes. Le savions-nous? Pourquoi l'épuiser à gauche, à droite, puis tout vient de nous? C'est comme un volcan. Le volcan? Le volcan éteint? Ça frétille, ça bouille, ça monte. Mais là, quand ça monte, il faut trouver le médium pour sortir tout ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du bénévolat, ça peut être de la chanson, ça peut être de l'instrumentation, ça peut être juste écrire. Prendre un pinceau, un crayon. Tu n'as pas de pinceau, un crayon. Papier, crayon, ça bouillonne. Vas-y. Oui, mais quand tu y vas, ben c'est ça. Puis après, ben, quand tu es un peu fier de ce que tu fais, tu peux le présenter à des proches. Oui, hey, c'est bien que tu me témoignes ça parce que j'ai vraiment. Ça, c'est le moment émotif, là. Moi, j'ai fait un dessin pour mon meilleur ami. Oh! Et puis? Oh, il était content. Mais en fait, il était content. Quand je le regardais, il avait des grands yeux, puis il regardait, puis... OK. C'est qui? C'est Oscar. Ah, pas ton poisson rouge, mon poisson rouge, Oscar. Il était content, il va regarder ça. Bon. Il m'embrassait, il s'est approché du bocal. Oui, parce que moi, je le place dans un bocal. Il y en a qui mettent ça dans une friteuse. Moi, c'est un bocal. Parce que la friteuse, ça amène après ça le fait de le manger. Je ne penserais jamais le manger. Et on s'aime, on sort. On rougit, juste au coup d'œil, on devient rouge. Poing! C'est des similitudes comme ça. Je suis sûr, moi, qu'on est des jumeaux. Ma mère a accouché d'Oscar, puis après ça, de moi. Puis, oh! Même si je l'ai acheté, je l'ai acheté au magasin, c'est ça, c'est le bas qui blesse. Sinon, ben, ça a été mon frère. On jouerait ensemble dans le quartier de sable, dans le petit carré de sable. On n'avait pas de sable chez nous, c'était juste du bois. C'est comme ça que j'ai commencé à gosser le bois, à rouler ses pitons. En tout cas, le reste, c'est une autre histoire. Mais... Oui, mais les draveurs, madame, oui. Un grand, exactement, oui. Puis la musique, ce soir, aujourd'hui, on revient à la normale. On passe à l'artiste que je rencontre depuis belle lurette. C'est un de mes... Il faisait partie du groupe Les Dogs. Pas longtemps, mais il était là. Son influence, aujourd'hui, on sent pas du tout Les Dogs. On sent... un créateur qui a mijoté, qui a créé, qui a réfléchi sur sa vie, sur son entourage, et c'est ce qu'il nous donne à chaque disque. Il est très prolifique. Il pourrait l'être plus, et comme il n'y a pas de maison de disque, ben, il fait ça tout seul. Donc, ça prend plus de temps, plus de courage. Se retrousser les manches à chaque fois. Aujourd'hui, le lundi 23 décembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Avez-vous remarqué? Réalité, c'est beau, hein? Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Paul Pechnard. Et lors de mon introduction, lorsque je l'ai rencontré l'année dernière, c'est cette année encore, oui, cette année, ben écoute, j'ai fait la bévue, une bévue, mais j'en fais souvent, là, mais je me suis trompé de prénom. Je le connais depuis Belluron, la lurée, là. Mais en même temps, ça prouve que même si je suis à côté de la plaque, je rencontre des êtres exceptionnels. Alors la preuve, mon ami, et tout ce qui suivra aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est 100% Paul Pechnard. Gâtons-nous, car il est temps.

parfois contre nous-mêmes révoltés. Sur la corde raide, miraculé rattrapé de justesse, tout en haut de la falaise, marchant sous le même ciel, réveillé par le même soleil. Et quel réveil quand le jour se lève, pile au moment où tout s'éclaire, pour forcer le système, la machine, de toutes nos forces réunies, en sortir grandi, fort, fier, intact. Moi, c'est Paul. Paul. Ouais. Ça commence bien, mais ça commence par P, c'est pas mal. Hein? Ouais, c'est pas mal. Ça n'a pas été changé pendant une année, tu t'appelles encore Paul. Ouais. Tu n'as pas voulu changer de prénom. Non. Quand tu étais heureux avec Paul. Je suis habitué maintenant. Ben oui, tout le monde t'appelle Paul, donc ça serait dommage de se faire c'est appeler Pierre. C'est pour ça aussi, parce que sinon, après, les gens ne vont pas. Changer les cartes aussi, c'est beaucoup de boulot et ça coûte cher. Ouais. Et sinon, comment ça va, Paul? Ben, ça va bien, je fais toujours les mêmes trucs, hein, la musique. Oui. Et puis la musique. Et la musique. Et aussi, oui. Et un petit travail, un boulot alimentaire comme ça. Non, j'ai un boulot. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui m'intéresse quand même. OK. Voilà. Moi, je travaille dans le monde des villes et des trucs comme ça. Donc ça t'alimente encore. Ouais, ouais. Ça t'alimente et ça te plaît. Ouais, ça me plaît, c'est intéressant. Ben, c'est quand même bien. J'apprends des choses et je rencontre des gens sympas. Et toi, c'est ça, quand tu fais de la musique, tu veux rencontrer les gens, tu veux aller présenter quelque chose. Ouais, l'idée c'est de s'exprimer, dire ce qu'on a envie de dire, et puis de le dire aux gens qui sont là, et puis après, ils aiment ou pas, mais ça c'est pas grave ça, on s'en fout. Tu proposes quelque chose, ils sont pas obligés d'adhérer, voilà. Hein, c'est comme un mets, tu proposes un repas, si les gens acceptent pas, tant pis, hein. Ouais, c'est eux les pires. Il n'y a pas de... C'est ça qui est bien, quoi. Alors quand les gens aiment bien, on sait que c'est vraiment ça leur parle, tu vois. Oui. Puis s'ils n'aiment pas, ils écoutent autre chose. Mais la dernière fois, tu travaillais sur un album. Ouais. Tu es toujours en train de travailler sur des albums. Hmm? Ben, pendant que tu le dis. Ah, mais c'est bien amorcé quand même. Hein, c'est... Alors, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Ben, c'est vraiment... Oh. On dirait une interview. Oui, arrangée. Ouais. Hein, c'est comme le spectacle de Vanessa Paradis à l'Olympia. Exactement. Tu l'as pas vu, le spectacle de Vanessa à l'Olympia? Ah non, c'est non, pour pas ça que je dis que c'est... Non, non, non. Mais moi, j'y étais. Ouais. Et c'était arrangé, là? Pour sa dernière, oui. Ouais. Mais quelquefois, c'est vrai, quand tu vas voir des spectacles, et c'est vachement bien, puis tu vas voir le même le lendemain, et c'est les mêmes blagues au même moment. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu une bataille dans la salle. Ah! En bas de la scène. Ah bon? Et je crois que c'est une mise en scène. Ah, d'accord. Ouais. Elle a arrêté le spectacle. Ah bon? Elle a dit au monsieur, ici, on ne fait pas du cinéma. On est ici pour s'amuser. C'est ma dernière à l'Olympia. Vous n'allez rien me bousiller parce que je mets toute l'énergie et l'amour que je peux et que je, et que je veux transmettre. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous sortez. Et il y a deux messieurs qui l'ont raccompagné gentiment à l'extérieur. Parce qu'elle pensait, lui, ce monsieur-là, croyait peut-être entendre Johnny Cash ou... Mais non, c'est de la pop française. Hein? Et dans la pop française, on ne rejoint pas tout le monde. Mais également, dans les deux spectacles, les quatre premières chansons, on n'entendait rien. C'est fou, hein? Problème, alors. Alors, les paroles n'étaient pas audibles. Puis moi, je ne connais pas vraiment le répertoire de Vanessa Paradis. Ouais. Si tu compares à Diana Krall d'hier, ouais. La Jazzman, tu la connais? Ouais. C'était fabuleux. Ouais. Moi, ce qui me plaît dans ces spectacles, surtout dans le jazz, c'est l'improvisation. Et il y en avait d'improvisation. Quatre musiciens hors pair plus Diana Krall 5. Vraiment, tu sens la maturité de la dame. Elle a 56 ans, elle fait comme si elle en avait une trentaine. Elle est belle comme... même pas refait. La beauté à l'état pur, c'était... exceptionnel. J'étais très ému. À peu près le trois quarts du spectacle, c'était des standards jazz. Et les autres, c'était ses compositions. Un spectacle de 2 heures sans entraque. Les billets étaient très, très élevés, mais ça valait le coup. Même si j'ai un petit penchant pour Mélodie Gardot, plus, disons, c'est du jazz plus pop. Et c'est juste, c'est son compositeur. Ben non, c'est vrai, elle a repris une chanson de Jacques Brel, Les Deux Amants. Et c'est une dame tellement Mélodie Gardeau, tellement à fleur de peau, qu'elle a dû reprendre la chanson trois fois et pleurer. Ça, j'adore. C'est ça que je veux. Et imagine-toi donc qu'à la sortie, mais ça, ça a fait 2 ans, elle remettait à chaque personne qui était là une rose. C'est beau, hein? Ah, elle fait ça bien, hein? Oui. Alors, t'en as plus qu'on parlait l'année dernière. Donc, ça n'enregistre pas, là? Oui. Si, ça enregistre? Ben oui. C'est pour savoir. On perd absolument rien. OK, parce que tu veux... Vas-y, fais ta promo. Non, c'est juste parce que c'est pour savoir. Oui, oui, oui. De toute façon, je ne dirais pas autre chose. Ben voilà, ça enregistre ou non. Tu es intègre. Alors, donc ça, l'année dernière, on était en train d'enregistrer cet album. Oui. Qui est sorti officiellement au mois de mars, mais on l'avait déjà pressé au mois de décembre. OK. Et donc, c'est fait avec les mêmes que sur les autres albums. Oui, qu'on connaît, oui. Donc, il y a mon fils, oui. qui est là, oui. qui joue de la batterie, de la guitare, qui arrange les chansons. Il y a Esteban qui est là, qui lui qui joue de la basse et qui joue de la guitare aussi, mais c'est vraiment des bons musiciens tous les deux, et qui arrange aussi les chansons. Donc, on arrange en produit un petit peu tous les trois. Et voilà. Ah, bon, après les chansons, je ne vais pas raconter les chansons parce que c'est pas possible. Ouais. Hein, une chanson, on la chante et puis après, on ne sait pas. On va l'écouter, donc ça va nous dire voilà, la consonance. On va l'écouter. Mais c'est quoi ce pont-là? C'est où ce pont-là? Ah bah, c'est un pont près de Paris, à Ivry-sur-Seine. Bon, le pont en lui-même, ce que j'aime bien, c'est que c'est... On cherche un endroit pour faire des photos, puis... Là, c'est un endroit un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de choses en train de changer. Donc, c'est un peu la ville, un peu le chantier, un peu des constructions complètement invraisemblables comme cet énorme pont en béton. Ouais. Et, c'est ici, là, ce qu'on voit, ouais, le pont d'Île d'Orléans, à peu près. Ça ressemble un peu au pont de l'île, ouais, du Québec. Oui, oui, sauf que là, c'est vraiment du béton massif. Ouais, c'est pas du... les ponts métalliques, quelquefois, ils peuvent avoir une certaine légèreté, mais celui-là, non, c'est du béton lourd. Et voilà, donc il y a certaines ambiances urbaines. Et puis, c'est vrai que les chansons, comme on les fait, c'est très urbain. Si tu veux, nous, on fait de la musique. Voilà, on est en ville et c'est ça qu'on connaît. Mais en même temps, si on écoute les premiers albums, parce que je les ai tous grâce à toi, en tout cas, le premier est plus poétique qu'urbain. Je ne l'ai pas entendu, mais on sent la poésie, celui-là. Est-ce qu'il y a autant de poésie? C'est un peu la même façon de faire. Okay. C'est... Voilà, je dirais qu'on a... On a l'habitude de faire les choses ensemble. Nous, on est très axés guitare, basse, batterie. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Mais... c'est quoi, c'est ton cinquième album, celui-là? Celui-là, ouais, c'est le cinquième. Oui. Ouais, c'est le cinquième, oui. Voilà. Mais du premier jusqu'au cinquième, est-ce que tu sens le fil conducteur? Est-ce que tu sens le lien, la ligne médiane de tout ton œuvre? Si tu veux, j'écris des chansons. Donc quand tu écris, en fait, tu vas retranscrire des situations que tu imagines. Et c'est vrai que instinctivement, tu retombes un peu sur les mêmes choses. Donc après, il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut chercher des trucs différents, pour que finalement ça te parle quand même, mais que ça soit pas le truc qui te vient aussitôt à l'esprit. Donc il y a toujours une part de choses qui se répètent, et puis après il y a une part aussi de choses qui sont uniques peut-être à chaque fois. C'est un peu comme ça qu'on essaye de faire. Et j'ai la chance de faire la musique avec Paul et Esteban, qui peuvent être assez critiques sur les chansons, et c'est un grand avantage. Parce que c'est l'auditeur premier, avant même que ce soit nous, c'est eux. Bah oui, et puis le truc c'est que eux, non seulement ils écoutent et ils donnent un avis, mais comme ils doivent ensuite les jouer, les chansons, et les vivre, si tu veux, si ça leur parle pas, bah les chansons, on les élimine. Parce que moi je voudrais pas que sur un album qu'on fasse ensemble, il y a des morceaux qu'ils n'aiment pas. Mmh, parce que c'est mon album, mais c'est leur album de la même façon. Donc, pour moi, c'est vraiment important, si tu veux, qu'il y ait cette cohésion. Et cette osmose aussi entre les choix. Ouais. Bah, oui, mais ça... Elle est là parce que vous êtes depuis le début ou presque. Voilà, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Et voilà, je pense qu'on est ensemble parce qu'on aime bien être ensemble, et puis parce que eux ils apportent des choses que je ne veux pas apporter, puis réciproquement, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais au niveau des textes, parce que c'est toi qui écris tes textes, ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire sur cet album-là? Ce que je dirais, c'est que si tu réfléchis pas, tu fais toujours la même chanson. Mais tu pourrais volontairement faire toujours la même chanson. Je veux dire, pour moi, c'est pas forcément un défaut de faire toujours la même chanson. Et d'ailleurs, on s'était permis sur le troisième album de faire une chanson, de refaire une chanson du deuxième album. Il y a des chansons comme ça qui se répètent. Mais moi, ça me dérangerait pas de faire toujours la même chanson. Mais je pense que les gens se poseraient un peu des questions. On se lasserait sans doute. Voilà. Ils se lasseraient, ils se diraient, bon, il n'a pas beaucoup d'idées, mais en fait, parce qu'il y a des choses qui te parlent et tu as envie de les redire de, toujours du mieux possible. Et donc, finalement, c'est un peu ce qu'on fait en changeant de thème, en changeant d'histoire, en changeant de situation, en changeant de son. Parce que là, vous avez modifié votre son, c'est moins rock, c'est plus pop. J'ai dessiné sur les murs des mots doux, des murmures que les gens lisent en passant. S'ils ont le temps, vers les rues de peinture, de formes, de dessins, de coulures, de ratures, de sourires, de chagrins. J'ai dessiné sur les murs des mots doux, des mots durs, pour construire mon futur, mon avenir, mon chemin. Des mots pleins de toi que j'ai tracé à dessein sur les pavés, sur les murs, des mots qui viennent de loin. J'ai tatoué ta rue avec les lettres de ton nom. J'ai tatoué ta rue jusqu'à la porte de ta maison, pour qu'en partant le matin, tu regardes mes dessins, tu entendes mes mots doux, mes murmures, mes refrains. J'ai dessiné tous ces mots pour qu'ils chantent pour toi, qu'à travers leurs couleurs tu entends ma voix, la voix d'un enfant de la rue, qui fait ce qu'il peut pour être entendu. Ainsi va la vie à te chercher des yeux, une chorégraphie, un pas de deux. Mais dans les rues de ma ville, y a pas de lac, des cygnes, que des piétons qui piétinent entre les murs où je dessine. De la main, un sourire, un parfum, une silhouette dans le lointain, hier et si loin. Les oiseaux que rien n'arrête chantent à tue-tête, le soleil qui revient alors que c'est déjà demain. Déjà demain, hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. temps de promesses, par ce temps de chiens, pour déborder les rivières depuis ce matin. À l'ombre de moi-même, je ne vois plus rien, je n'entends plus tes je t'aime, garde-les pour un autre quelqu'un. Déjà demain, hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tu m'entourais de petits riens, ils illuminaient mon chemin, des grains de lumière aujourd'hui éteints. Une silhouette dans la nuit, le temps qui s'enfuit, et le jour se lève en emportant mes rêves. Déjà demain, c'est déjà demain, tous les rêves ont une fin, hier est si loin. La modification, on se dit pas à l'avance on va faire un truc rock ou un truc comme ci ou comme ça. Ça vient tout seul. On va dans l'autre sens. On dit qu'est-ce que racontent les chansons, et donc c'est à partir de là qu'on se dit on pourrait essayer comme ci, comme ça, pour que ça renforce l'idée de la chanson. Et donc il n'y a pas d'idée forcément préconçue. Et le truc est un peu particulier, c'est que il y a une grande différence entre la musique que j'écoute et la musique que je joue. Parce que la musique que j'écoute, c'est des trucs anglo-saxons, si tu veux. Mais en français, tu ne peux pas traduire. Non, c'est pas possible. Donc, si tu veux retrouver des idées qui ressemblent, il faut les dire autrement. Mmh. Il faut les faire sonner autrement. Donc, c'est un peu ça. Mais ça, c'est, je dirais, c'est un peu constant depuis le début. Mais qu'est-ce que... Parce qu'en 5 albums, il y a bien sûr des thèmes qui reviennent, des sujets. Qu'est-ce qui te préoccupe encore aujourd'hui que tu reparles d'un angle différent? Je pense que il y a une chose qui est infinie à la base, c'est les relations qu'on peut avoir avec les gens. Parce que soi-même, si on réfléchit à comment on fonctionne, il y a des choses qu'on répète, tu vois, qu'on réussit à retrouver au fur et à mesure du temps. Mais il y a des choses aussi, on se dit pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Même soi-même, on va dire qu'en général, on se connaît quand même pas mal. Quelquefois, on se surprend à faire des choses où on ne comprend pas, où il faut très longtemps pour comprendre pourquoi on a fait un truc. Alors ça, c'est quand on est tout seul, si tu veux. Mais alors, quand on parle d'interaction avec les autres gens, là, ça devient infini. Donc ça, je pense que c'est une matière infinie. Mais qu'en plus, l'aspect musical est infini. Parce que si je dis quelques phrases sur la manière dont on se comprend nous, je vais mettre une musique par-dessus, et en fait la musique va changer la manière de comprendre cette situation. Et tu as une infinité de transformer la situation. C'est comme l'interprétation, tu vois, c'est infini. Donc comme tu mélanges deux choses qui sont infinies, je pense qu'on peut dire que on peut toujours écrire, on se répétera jamais. Voilà, on peut toujours continuer à chercher. Et si on se répète, ça veut dire que peut-être le coup d'après, on ira plus loin ailleurs, tu vois. Mais moi, je dis, on a le droit de se répéter. Et si je prends des références, il y a des groupes qui font un peu toujours des albums qui se ressemblent, mais qui sont toujours bien. Ouais. Puis il y en a aussi qui changent complètement de style d'un album à l'autre, et c'est bien aussi. Alors ça, je pense que c'est plus difficile à faire, mais ça dépend des gens. Mais toi, est-ce que tu te situes dans un créneau musical, ou si tu veux pas te barrer avec ça, tu veux te laisser carte blanche surtout? Moi, je me laisse carte blanche, parce que je pense que à partir du moment où tu écris, C'est le principe. Tu sais, tu as des gens quelquefois qui disent oh, on va organiser un truc, on va donner carte blanche aux artistes. Mais la phrase, elle est très méchante. Parce que un artiste, tu lui donnes carte blanche. Si tu lui donnes pas carte blanche, c'est pas un artiste, c'est un publicitaire. Tu vois. Donc déjà, il faut s'autoriser tout. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis après, moi, il y a des choses que j'aime bien, il y a des façons de faire que j'aime bien. Et je regarde si ça colle avec les idées que j'ai. Mais c'est pas sûr. Tu vois, c'est pas automatique. Autant de facilité. Faut essayer. Ouais, ben toujours essayer. Faut essayer parce que il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes, pas dans ce qu'on raconte et dans la musique, mais qui fonctionnent pas du tout. Et ça, c'est un truc qu'on a appris aussi en faisant ces albums, c'est que le truc, on va dire, on fait comme si, tac, tac, tac, on l'a déjà fait, ça marche à tous les coups. Ben non, en fait, ça marche jamais à tous les coups. Il y a un coup, tu sais pas pourquoi, il y a une magie qui fait que quelque chose de très simple fonctionne très bien, puis le coup d'après, ça ressemble et tout, puis ça fonctionne plus du tout, par contre. Donc il faut... C'est pour ça que quelquefois, on fait des chansons qui nous paraissent ben, très bien, puis on les fait une fois, puis c'est pas bien, puis on change des trucs, et puis on les refait deux fois, puis c'est pas bien. Puis on les abandonne deux, trois, quatre fois, puis quelquefois, bah, il se passe un an, cinq ans, dix ans. Puis on retrouve la chanson, puis on la rechante, puis un coup, ça marche. Est-ce que ton écriture s'est modifiée depuis le début ? Oui, parce que depuis le début que j'écris, donc depuis très très longtemps, j'ai commencé à écrire quand j'étais petit, je me suis toujours... attaché à essayer de chercher une méthode, tu vois, une méthode parce que les idées tu les as au fond de toi-même, mais tu sais pas où elles sont. Et la méthode c'est la manière d'aller les chercher. Comment aller les puiser. Et voilà, comment les retrouver et comment trouver les idées qui sont les plus intéressantes, les plus parlantes, les plus faciles à communiquer. Et je dirais que avec le temps, t'as quand même des choses qui finissent par apparaître. Mais c'est pas des gimmicks Je dirais c'est pas des gimmicks, parce qu'un gimmick c'est tu refais, ça remarche. Et là non. Si tu refais un truc que t'as déjà fait, en général ça marche pas. Voilà. Mais c'est plutôt une manière de se... Je crois que c'est justement ça, la manière de s'autoriser. À se dire, ben là j'ai une idée, j'ai jamais eu ce genre d'idée, mais il y a quelque chose qui me semble intéressant. Tu vois, c'est pas dans ce que j'ai fait habituellement, c'est pas dans ce que j'écoute, c'est pas dans ce que je lis, c'est autre chose, tu vois, mais je vais essayer pour voir. Et donc il y a ça. Et puis après, quand tu as comme ça une espèce d'impression, de sensation, de situation, c'est avoir la capacité à la conserver. Et ça, pour moi, c'est un truc qui a changé. Avant, quand j'écrivais une chanson, si au bout de 20 minutes, elle n'était pas finie, je perdais le fil et après, je partais dans tous les sens et je n'arrivais pas à la finir. Maintenant, je suis capable de passer du temps une journée et du temps une deuxième journée, puis peut-être même de m'arrêter 2-3 jours et de retrouver le fil pour continuer jusqu'à la fin. Non, parce que tu vois qu'il y a quand même... Mais c'est tout petit avantage. C'est ça, mais pour poursuivre, tu sens qu'il y a du jus dans ta chanson. C'est pour ça que tu la gardes, sinon tu l'achèterais. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose, que tu tiens quelque chose. Parce que tu ne vas pas t'acharner sur un travail qui t'essouffle. Donc, il y a quand même un fil conducteur. Oui, c'est pour mais... ça que tu veux revenir tout le temps là-dessus. Mais quelquefois aussi, tu as des idées qui te paraissent bien, mais que tu n'arrives pas à faire fonctionner. Tu vois, donc ça m'est arrivé de passer vraiment du temps à écrire des pages et des pages sur des trucs en me disant je suis sûr que c'est une bonne idée et jamais arriver à sortir. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout parce que quelquefois c'est des choses les plus simples, les plus évidentes. Enfin, tu dis bah ouais, ça c'est, tu vois, c'est un peu con. Tu vois. Puis en fait, non, c'est très riche. Et la blague qu'on a avec Paul et Esteban, c'est de se dire, par exemple, tu prends des riffs super standards, tu vois, de rock, tu vois, par exemple, je sais pas, tu prends un truc de Nirvana, et la question simple, c'est de se dire, si tu avais trouvé ce truc-là, est-ce que tu l'aurais gardé? Et en fait, quand tu réfléchis, je pense que pour la plupart, tu ne l'aurais pas gardé. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est tout bête et tout. Et ça marche. Mais ça marche quand tu l'as mis en valeur, quand tu vois. Mais, quand tu la répètes souvent, c'est comme une chanson. Quand tu la diffuses régulièrement, ça devient un hit. Si tu la diffuses pas, ça pourra jamais. Oui, puis si tu la mets pas en forme, d'une certaine façon, l'idée, elle est bonne, mais tu t'en rends pas compte. Tu vois, et quelquefois, c'est des. Pour les mots, c'est pareil. Quelquefois, le truc qui fonctionne bien, c'est pas l'idée géniale avec des associations, tu vois, d'images invraisemblables, super dures à trouver. Quelquefois, c'est un truc. Comme quand tu parles, tu vois, le truc, tu dis, ah ouais, tiens, j'ai dit ça, c'est marrant, tu vois, puis c'est pas plus que ça. Donc il faut pas hésiter à essayer de se souvenir de choses qui sont très légères. Avec les années, c'est pas plus dur d'écrire parce que tu as beaucoup de matériel, donc est-ce que c'est difficile de se ressourcer? Comme tu dis, je pourrais faire la même chanson pendant un peu sur tous les albums. Mais je pourrais, comme je suis capable d'écouter, par exemple, quand il y a une chanson que j'aime bien, je l'écoute en boucle. Mais ça peut durer deux semaines. Là, pendant deux semaines, je peux écouter 20 fois par jour la même chanson. Ça te rend pas fou? Non, il y a un moment. Parce que ça me parle, si tu veux, des chansons qui me parlent. Et au moment où ça y est, c'est fini, je la connais par cœur, je connais tout. Alors là, tu la réécoutes plus jamais, c'est terminé. Voilà, après, ça m'arrive quand même de temps en temps. Mais c'est pas ça que je voulais dire. On parlait, est-ce que c'est plus difficile d'écrire aujourd'hui? Oui, c'était avec le temps. Non, mais avec le temps, ça n'a pas d'importance parce que. Quelquefois, tu as des gens, ils sont super jeunes, tu vois, et ils ont déjà tout le truc. Moi je suis peut-être pas vite, il m'a peut-être fallu beaucoup de temps pour trouver des idées que certains trouvent en 10 minutes, ouais, ou instantanément. Donc c'est chacun son truc. Ouais, mais peut-être chacun aussi son rythme. Que mais, ce qui sort en 10 minutes, ça a cogité longtemps aussi avant de sortir. Oui, alors, en fait, moi je considère que les idées, elles sont là. Tu vois, on fait beaucoup de choses sans le comprendre et sans le savoir, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sans qu'on sache pourquoi. Et les idées de chansons, elles sont dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là que tu peux pas aller chercher. Faut attendre que, hop, il y a un truc qui sorte et tu dis, ah bah tiens, c'est marrant. Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Le bateau était blanc, couvert de glace, l'orage qui s'approchait était une menace. Un immense trois mâts, plus haut qu'une cathédrale, dont le vent déchaîné déchirait les voiles. À cette époque on naviguait sans carte, sans radio, sans radar, au milieu de nulle part. L'équipage réfugié au fond de la cale avait perdu l'espoir d'un retour au calme, mélangeant les blasphèmes et les prières, mais qui les entendrait au milieu de la mer? Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Sur le pont comme deux démons, le vieux capitaine et son fidèle second. Le premier dans les brumes du Rhum, le second 20 ans à peine. Ils étaient deux fantômes possédés par le diable, rimant comme des damnés pour sauver leur âme. Le capitaine courageux et fier, le second qu'on attendait sur terre. Sa blonde regardait l'orage au loin et le sort s'acharnait sur son marin. Elle voulait le revoir, le prendre dans ses bras, le serrer sur son cœur encore une fois. Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Les âmes perdues des marins téméraires revenaient assister à ce corps à corps. La mort et la mer étaient en fureur, et le trois-mâts si loin de son port. Il faisait nuit, il faisait froid. Il neigeait sur la mer encore une fois. Il neigeait sur la mer encore une fois. Il neigeait sur la mer. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Regarde-toi dans la glace, bien en face. C'est ton visage, c'est ton image que tu fixes dans le miroir. Ce n'est que toi qui es là, souris-toi. Ne vois-tu pas devant toi la route qui poudroie? N'entends-tu pas que l'on t'appelle? Ne vois-tu pas l'herbe qui verdoie? Aime-toi comme personne. ne le fera. La vie te le rendra chaque jour mille fois. Souris-toi, tu vaux bien plus que tu ne crois. Aime-toi, aime-toi comme personne ne le fera. La vie te le rendra chaque jour mille fois. Souris-toi, tu vaux bien plus que tu ne crois. D'essayer tout, n'importe quoi, de faire mille fois la même chose, de se tromper, d'écrire un truc. Est-ce que tu jettes beaucoup de textes ? Disons que je suis passé par plusieurs périodes. Il y a des périodes où, par exemple, j'étais capable d'écrire toute la journée. En me disant, il y a un moment, il y a un truc qui va sortir. Alors, j'écris. L'écriture est un ouais, ou je suis une idée, puis ça part dans tous les sens, etc. Est-ce que ça devient quelquefois des nouvelles, un livre, quelque chose, parce que tu as écrit un livre ? Le livre, j'avais fait un peu comme ça, mais là, je pense qu'au fond de moi-même, j'avais un fil conducteur et j'avais à chaque fois des idées où j'avais quelque chose avec du contenu, si tu veux. C'était pas juste au pif. Mais sinon, après, j'ai écrit pas mal de choses comme ça, juste pour voir. Et puis maintenant, c'est différent, c'est-à-dire que j'essaye plutôt d'avoir un truc de départ qui est parlant et puis de voir là-dedans tout ce que je peux en sortir. Si tu veux, on dit souvent que les gens sont inquiets parce qu'ils ont une page blanche, mais en fait, moi je pense que la démarche qui marche bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire se dire, je prends un mot, ou deux mots, et au lieu de me dire qu'est-ce que je vais rajouter, c'est-à-dire je vais remplir le blanc pour mettre quelque chose, je fais le contraire. Je me dis, dans ces mots-là, il y a quelque chose. Okay. Et donc, je vais essayer de sortir tout ce qu'il y a là-dedans. C'est les mots qui amènent les idées, il y en a un mot. Voilà. C'est une idée de départ. Alors, je sais que quand, par exemple, j'ai deux, trois mots qui me semblent intéressants et que je commence à écrire des pages et des pages, je sais qu'il y a un truc, tu vois, et que ça vaut le coup d'essayer d'aller plus loin. Et de creuser. Ouais. Mais c'est pas du tout automatique, si tu veux. La vraie méthode, je ne l'ai pas encore trouvée. Et tu la trouveras sans doute jamais, parce que c'est pour ça qu'on fait de la création. Je pense. Mais après, il y a des gens, moi je suis fasciné par les gens qui écrivent des centaines de chansons, ou des gens qui se lèvent le matin puis écrivent des pages et des pages avec une idée. Je trouve ça fascinant parce que c'est très bien pour tout le monde. Et je pense que c'est une activité, en tout cas ici, qui n'est pas du tout soutenue, ni encouragée, ni apprise. On n'apprend pas. Alors que c'est dommage, parce que tout ce qu'on fait vient de ça. Tu vois ? Quand tu as une idée qui peut servir à quelque chose, tu n'as pas été rationnellement de ça à ça à ça à ça. Tu vois ? C'est tout à coup, tu dis, tiens, on va essayer un truc. Parce que je connais quelque chose qui est dans un autre domaine, qui fonctionne de cette façon-là. Donc, on va essayer pour voir, tu vois, mais c'est quelquefois c'est n'importe quoi, tu vois. Mais donc les vraies idées, souvent elles apparaissent comme ça. Tu fais de l'expérimentation. Tu expérimentes. Bah, t'as toujours une part d'expérimentation. Et c'est ça qui t'intéresse aussi dans la création. C'est de jamais être certain de ce qui va sortir de toi. Et c'est ce qui te surprend encore aujourd'hui. Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est j'ai toujours été surpris par le fait que les choses que j'écris, j'aurais jamais pensé que je les ai écrits moi-même. Tu vois, ça me semble tellement bizarre à chaque fois. Et je me dis, bon ben voilà, j'ai réussi à faire un truc qui est complet, qui est fini, qui a un sens. Enfin voilà, on a les critères qu'on veut. Hein. Mais je suis toujours surpris que ce soit moi qui l'ai écrit. Parce que Parce que si je réfléchis rationnellement, c'est pas ça que j'ai envie d'écrire, c'est pas ça que j'écris. Donc après, t'as autre chose qui arrive, c'est que t'as une part d'auteur-compositeur, t'as la part de création, puis après ça, il faut le transférer à l'interprète. Et en fait, c'est vraiment comme deux personnalités différentes. Si l'interprète, il chante comme l'auteur, ça marche pas. Tu vois, ça fait un peu comme tu dis, la personne qui n'arrive pas à finir sa chanson parce que, tu vois, il y a trop d'émotions. C'est un peu ce genre de truc qui peut arriver. Je vais vous redonner vos affaires. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un truc que tu apprends aussi. Mais ça, c'est plus de la technique, de scène, tu vois. Puis de, c'est pas le même travail, ça. Ok. Pas le même travail. C'est pas la même chose. Mais c'est pas plus difficile aujourd'hui qu'avant d'écrire, non? Tu as trouvé des techniques. Alors là, j'ai aucune idée. Je pense que ça dépend des gens. Moi, je pense aussi que on a tous comme ça un réservoir d'idées, mais qu'après, ce qui peut varier d'une personne à l'autre, c'est l'intention. Tu as des gens, tu leur dis, bah, ça te dit pas d'écrire une chanson, bah, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas du tout. Ils n'ont pas envie de passer 2 minutes de leur vie à écrire une chanson. Tu vois, moi, je peux passer toutes mes journées. Donc, c'est une question d'intention. Tu as envie de le faire, tu vas chercher les idées. Elles sont là. Mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais quand tu commences à écrire pour un nouvel album, est-ce que tu essaies de trouver un concept où chaque chanson est différente? Ben, non, j'avais cette idée à un moment de faire des histoires. Parce que ça m'amuserait bien. Je ne l'ai pas fait encore, parce que pour l'instant, je fais plutôt chanson par chanson. Et ce qui se trouve, c'est que il n'y a pas de lien direct entre les chansons. Mais par contre, quand on les enregistre, si on a un album, par exemple celui que tu as là, il y a 11 titres, on a enregistré 15. Le deuxième album, le troisième, il y a 15 titres, on a enregistré 21. Et en fait, tu te rends compte après coup que certains morceaux ne marchent pas avec les autres, ou que certains vont bien ensemble. Donc tu vois, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si tu vas avoir une intention générale, même s'il y a des morceaux que tu aimes bien, en fait, tu ne peux pas les coller, ils ne fonctionnent pas. Il faudrait qu'ils soient ailleurs, dans un autre projet. Mais est-ce que tu les jettes ou tu les gardes pour éventuellement... Non, je les garde. Je les garde, mais maintenant, j'ai l'équivalent d'un album complet, de fini mixé. Tu ne veux pas, à un moment donné, faire un album pourri? Je peux, mais ça va un truc qui va avoir ni queue ni tête. Ok, ouais. Si on partir en vrille. C'est-à-dire, bon, quand tu fais un album, nous on reste sur un format classique d'album parce que c'est une manière d'avoir un propos qui est un peu structuré, puis d'avoir un objet aussi qui est structuré. Donc on peut faire ça, je ne suis pas attaché forcément à ça, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et si par exemple je prenais tous les morceaux qu'on a jetés pour les mettre ensemble, j'aurais un album. Mais je pense que déjà on aurait beaucoup de mal à faire un ordre. Parce que, c'est ça. Et puis ensuite, quel que soit l'ordre qu'on fasse, je pense que les gens se diraient c'est bizarre, tu vois, parce que... Mais quand tes chansons sont déjà préparées, sont mixées, as-tu déjà une idée de à quel endroit tu vas placer tes chansons ou si ça se fait à la dernière minute? Ben, disons parce que ça, c'est important. Il y en a qui ne savent jamais par quel commencer. Ben, dans notre cas, le moment où on cherche l'ordre des chansons est important parce que c'est une suite. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin, et il faut qu'il y ait des chansons qui restent et des chansons qui se dégagent. Tu vois. Donc on est un peu dans cette situation. Après, moi ça me ferait marrer d'écrire une histoire, mais tu vois, il faudrait que j'ai une histoire qui tienne la route. J'ai des idées, mais j'ai pas encore un truc assez costaud. Et après, je pense que une histoire en chanson, ça serait aussi une histoire en musique. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect musical. Et moi, je le verrais aussi comme une histoire en images. Tu vois, je verrais le tout. Alors, les albums sont conçus, les chansons sont placées sur le disque un peu comme pour créer une histoire. Un peu. Ouais, ou pour créer des ambiances qui vont bien les unes avec les autres. Alors, tu peux pas mettre, exemple, 5 chansons rythmées pour qu'à travers ça, il y ait un autre... une chanson plus lente pour... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça. Puis il y a des morceaux qui automatiquement se retrouvent au début et à la fin. Tu vois, là, sur l'album que je t'ai passé, il y a une chanson qui s'appelle « Une foule de questions ». Ça, en fait, quand tu l'écoutes, tu sais tout de suite que ça va être la dernière chanson de l'album. Tu n'as pas d'autres solutions pour la placer. C'est, ben c'est comme ça. Mais tu ne l'as pas écrite à la toute fin de... Non. Non, parce que tu écris les chansons quand tu as les idées. Et ça, tu ne commandes pas vraiment. Est-ce que ça t'arrive de rentrer en studio en modifiant des textes ou si c'est là et ça reste... Non, alors là, moi, c'est pas du tout mon genre. Alors nous, on a une façon de fonctionner qui est assez particulière parce que on mélange deux façons de faire qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que moi, quand j'écris un morceau, donc il faut que j'ai de l'idée, après il faut que je travaille les paroles et puis la mélodie, les accords et tout. Et donc j'écris beaucoup. Mais même si à la fin je garde ces 5 lignes, tu vois, il peut y avoir beaucoup de pages, je peux faire 300 versions de la même chanson, là, que j'enregistre, que j'écoute, que je réenregistre, je change de ton, je change de machin, enfin bon, je change, et ça peut prendre des semaines. Et donc c'est une manière de faire assez lente, où je me donne le temps justement de réécouter 1000 fois un truc en me disant « Ah ouais, mais il n'y a pas quelque chose de bizarre », parce que quand tu fais le truc, quelquefois, tu as des idées et toi, elles te semblent bien. Parce que ça veut dire un truc, toi tu sais ce que ça veut dire, mais quelquefois tu te rends compte qu'il n'y a qu'à toi que ça parle. Okay, ouais. Bon, donc ça c'est une façon de faire. Mais les autres, on répète très peu. C'est-à-dire que très fréquemment, on rentre dans des studios, ils ne connaissent pas les chansons. Se laisser couler, quelle que soit l'heure. Une bouteille à la main, ils cherchent le chemin vers des jours meilleurs. Ils ont perdu le nord, alors ils tournent en rond sur leur mer intérieure. À la merci des tempêtes qui jamais ne s'arrêtent au fond de leur cœur. Le bras à la portière.